Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission, le Banger, le rendez-vous métal dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en direct pour deux bonnes heures d'émission, avec ma foi toujours plein de très très bonnes choses à s'écouter, quelques nouveautés même, pas mal de nouveautés françaises. On aura les derniers Gorod, Hardmind et autres Vosegus, et pour l'international, Trusthorn et Gatekeeper notamment. On aura bien sûr trois interventions de l'ami Thibaut pour nous dispenser ses petits focus. Quoi ? Ça spoil ? Bien sûr que oui, et j'ai pas dit qui, quoi ou comment. Il y en aura trois. Et voilà. Je m'excuse par avance pour mes éventuelles hausses et baisses au niveau de la voix. J'ai un peu perdu mes cordes vocales hier soir. Mais on va dire que ça a très bien se passer sinon. On attaque tout de suite avec la musique, qui est une doublette old school, mais pas si tant. Vous allez voir avec tout d'abord les bulldozers hollandais de Body Farm, l'excellent groupe. Et au final, pour avoir vraiment pris le temps de les écouter, de les avoir vus sur scène, c'est un peu sous-côté, parce que Body Farm, on est dans le vieux death hollandais, on n'est pas très loin des inspirations même à la Demolition Hammer. Puis sur scène ça tabasse vraiment très très bien. Ultimate Abomination, c'est leur cinquième album studio. En même temps le groupe est pas hyper vieux, hein, formé en 2009. Et en doublette, donc là c'est le neo old school on va dire, avec El Reaper, le très très bon one man band écossais, qui nous fait du Black Speed, un peu heavy, un peu mellow, mais surtout hyper inspiré et très très bien fait. C'est une signature Peaceville Records, le troisième effort studio vient de sortir, très prolifique, un album tous les 3 ans depuis 2017, Warlock's Grim and Withered Eggs. Le bonhomme fait maintenant des concerts, parce que voilà, il a un petit line-up session live avec lui, et on espère l'avoir par chez nous prochainement. Body Farm, Symbolical Warfare, extrait du dernier album studio, El Reaper, The Necklives, extrait donc du nouvel album qui vient de sortir chez Peaceville Records. Et bienvenue dans l'émission, c'est parti. Yeah. Pour la suite de la diff, eh ben on va s'envoyer les gros colériques de Judiciary, le groupe de hardcore, trash hardcore qui nous vient des US. Formé en 2014, le groupe, hein, on les a vus sur scène l'année dernière au Hellfest, c'est putain de frontal. Et en même temps, c'est groovy, hyper énergique. Flesh plus Blood, c'est le nom de leur second album studio, une sortie sur l'excellent label Closed Casket Activities. Steel and God, c'est le titre qu'on va s'écouter. Et en doublette, Skinflint, la formation qui nous vient du Botswana. Vieille formation hein, de heavy au sens large, parce que ça va chercher dans le heavy old school, limite hard rock. Des fois, on a des aspects un peu plus modernes qui vont limite tendre vers le metalcore. Prolifique, hein, le groupe actif depuis 2006, premier album en 2009, ils sortent la Eight Spell, c'est le huitième effort studio pour ce groupe donc du Botswana. On s'écoutera le titre Blood Dripping from Torso to Toes, c'est parti. Will fall to my knees.

torture and lust for lies. Using victims and deems worthy, feeling the fire in his veins. As he sees his next trophy, kissing the serpent's lips. Irresistible charm, taking your breath away. Already into deep. Minutes à la pendule de Radio Béton et on va tout de suite ouvrir le Thibaut de l'ami micro pour le premier focus de ce soir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soir. Direction la Finlande aujourd'hui pour un groupe ô combien cher à mon cœur. Pardon ? De black metal ? Non, c'est pas du black metal. Oh. C'est un groupe de mélodès suédois qui vient de Finlande. Oh. Donc Insomnium, le groupe phare, je pense, de la scène finlandaise de Death Mellow, en tout cas, qui sortent là dans leur 9e album. Alors, ils nous viennent de Johnson, c'est... En Finlande. C'est en Finlande, merci. Ils se sont formés en 1997. Clairement, personnellement, c'est zéro prise de risque au niveau de mon choix de focus pour ce soir, parce que c'est clairement un de mes groupes préférés. Tout groupe confondu, ils font largement partie de mon top 10 de groupes. Insomnium, c'est un groupe que j'écoute depuis, je pense, mon adolescence ou quelque chose comme ça. J'ai dû commencer à l'écouter quand j'étais en 5e ou en 4e, quelque chose dans le genre. Donc ça commence à dater. Ils ont un style qui est ultra reconnaissable, mais ils ont une évolution sur leurs albums qui est notable. C'est-à-dire que chaque album a vraiment son identité, son concept. Même si j'ai essayé de les regrouper pour pas les présenter un à un, parce que sinon on n'a pas fini. Et du coup, on commence donc en 2002 avec In the Halls of Awakening. Putain, je vais y arriver, c'est le début déjà. J'enchaîne donc un album en 2004 qui suit donc 2 ans après Since the Day It All Come Down. Et en 2006, Above the Weeping World. Alors, je les mets ensemble parce que pour moi, c'est vraiment là où j'ai découvert le groupe. Le tout premier album, j'étais passé à côté. Là, je l'ai écouté. C'est une vraie pépite. De toute façon, je vais me répéter un petit peu sur les présentations. C'est pour ça que j'ai essayé de raccourcir au maximum. C'est-à-dire que Insomnium, c'est une discographie qui est sans faille. Il y a un petit creux, mais c'est-à-dire qu'ils sont au mieux dans leur discographie. Ils doivent être meilleurs encore à ce moment-là que les autres groupes du monde dans ce style. Mais c'est leur plus mauvais album. Donc, on va leur pardonner pour cette petite diminution de niveau. En tout cas, les 3 premiers albums, c'est vraiment des joyaux, à mon sens. C'est touchant, c'est émouvant, c'est très, très mélodique. De toute façon, tout le cœur de la musique de Insomnium, hein, c'est des grosses, grosses mélodies qui restent bien en tête comme il faut. Voilà, j'ai grandi avec eux. Ils ont, donc, sur ces 3 premiers albums, ils ont un son qui est un petit peu plus cru, forcément, que ce qu'ils proposent aujourd'hui. Et peut-être quelque chose de, comment dire, incisif, dans le sens où il y a encore un son qui est très suédois dans ce qu'ils proposent, et donc ils ont ces guitares qui te tranchent les viscères quand ça siffle. Même au niveau des mélodies, tu sens que c'est agressif réellement. Ils vont perdre un petit peu ça, ils vont gagner en composition à proprement parler, mais ils vont perdre un petit peu ce côté très, très piquant que peuvent avoir particulièrement les grattes suédoises. En 2009, ils sortent Across the Dark, et en 2011, One for Sorrow. Pour moi, c'est les albums qui sont légèrement en dessous des précédents, mais comme je le disais, la barre reste très très haute, ça reste des bijoux de Death Mellow. Et avec l'évolution du son, on perd ce côté un petit peu agressif, mais on gagne en ambiance plus sombre et plus, euh, plus marquantes, plus oppressantes dans ce qu'ils proposent. Et voilà, c'est également deux très très bons albums dans leur discographie. 2014, Shadow of the Dying Sun. Personnellement, j'adore cet album. C'est pas forcément celui qui ressort en premier quand on parle du groupe, mais je le trouve très très touchant. Il y a le morceau Wild We Sleep qui est un tube absolu du groupe et qui est magnifique. Donc voilà, un album à écouter parce que moi je le trouve très touchant, même si voilà, c'est pas forcément celui auquel on pense en premier, mais moi je l'adore. 2016, Winter's Gate. Pour moi, l'album où je suis passé complètement à côté, je l'écoute très très peu. Et du peu que j'en ai écouté, voilà, c'est un bon album, mais quitte à passer à côté d'un album de la discographie, c'est celui-là que je dirais que moi j'ai pas forcément le feeling avec l'album. Alors. Du coup ça va être ma seule intervention je pense sur ce focus de Insomnium. Il a une sacrée particularité cet album, c'est qu'il ne contient qu'une seule piste en plus. C'est ça, qui est découpé en parties. Voilà. Quand tu le récupères. C'est vraiment gros concept album, donc pour le coup tu parlais de pas trop de prise de risque au niveau de toi, de ton choix de partir sur un focus Insomnium. En revanche, Insomnium forme de prise de risque sur cet album conceptuel oui. Monolithique de 40 minutes découpé en sous-parties. Ouais, ouais, complètement. Mais ce qui le rend peut-être différemment accessible aussi. Ouais, bah voilà, moi vraiment c'est pas, quand je me dis je vais écouter d'Insomnium, c'est vraiment pas vers cet album que je vais. Donc voilà, mais ça reste génial hein, ce qu'il y a dedans, c'est pas le problème. Mais par rapport aux 9, aux 8 autres albums du groupe, c'est pas forcément vers ça que je vais en premier. Et donc, pour terminer un petit peu le tour de leur discographie, en 2019, ils sortent Hurts Like a Grave, le groupe qui revient pour moi au top de sa forme, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit creux là dans cette période, et là, ils reviennent vraiment dans un truc qui est magnifique, sensible et très touchant. Et bah, donc, leur tout nouvel album qui vient de sortir, donc Anno 1696, j'irai. Je sais pas. Non. Vas-y. Non. C'est pas comme ça qu'on dit. C'est Anno 1696. Mm-hmm. Fais un effort. Ouais. Et donc Anno, c'est bien entendu Anno. Donc, qu'est-ce que maintenant que tu m'as perturbé ? Eh ben, on va s'écouter un titre. Ouais, voilà, que je reprenne mes moyens. Reprends tes esprits. Voilà, on coupe le focus d'Insomnium en deux avec du coup une illustration plus sur l'ancienne période d'Insomnium, hein, comme tu viens de fractionner la discographie. Donc là, on va chercher dans les premiers albums. Le deuxième, pour être exact, ouais. Le deuxième album. Donc l'album, c'est The Day, le morceau The Day It All Come Down et de l'album Since The Day It All Come Down. Eh bien, c'est parti! We'll be right back. Retour avec Thibaut au micro pour attaquer la deuxième partie de la présentation du focus de ce soir sur le groupe finlandais Insomnium. Et voilà, après avoir brossé une rétrospective, on va pouvoir passer à la présentation de ce nouvel album qui s'appelle Anno... voilà. Next. Anno 1696. Ouais, je m'attarde deux petites secondes sur le line-up du groupe parce que bah ils ont quand même un CV qui est assez monumental. Pour la plupart, ils ont cogné dans énormément de groupes différents. On notera notamment la présence de pas mal de membres qui ont membres ou ex-membres de l'excellent groupe Omnium Gatrum, qui est un peu dans la même vibe, hein, qui fait du mélodès suédois à la sauce finlandaise. Qui est vraiment chouette. On a des membres qui ont aussi fluctué dans Shallow the Sun, enfin des projets comme ça qui sont assez reconnus également dans la scène internationale. Donc voilà, c'est pas un petit line-up à côté. Bref, j'enchaîne sur la pochette de l'album qui est ma foi très très classe. Donc l'ensemble de l'album, en fait, le concept tourne autour de la sorcellerie dans sa globalité et tout particulièrement du mauvais traitement qui a été infligé aux sorcières. Globalement, Insomnium, en fait, dans leur discographie, ils tapent sur pas mal de sujets différents, même si le cœur de leur discographie tourne autour de la perte et du deuil dans la généralité. On a aussi des thèmes qui tournent autour de la nature ou de l'individualisme ou des choses comme ça. On a vraiment tout un spectre de sujets qui sont abordés. Pour classer le style de Insomnium, tu vois, c'est vraiment le terme romantique, mais dans son sens littéraire le plus strict. C'est-à-dire, t'as un espèce d'effet Roméo et Juliette avec ce drame qui est un peu inévitable. Oui, ça, le mélodramatico-romantique, ce qu'on va appeler le gothique romantique. Exactement. Il y a une grosse vibe gothique qui se dégage de ça. Concernant le sujet de cet album, c'est un sujet qui est fascinant, que ce soit la place des sorcières dans l'imaginaire un peu collectif et tout particulièrement la place que les sorcières ont prise dans le spectre des mouvements alternatifs, on va dire. C'est-à-dire un espèce de symbole à la fois de l'inquisition, de la liberté, de la nature également, et de l'oppression, par extension du féminisme, puisque vraiment, il y aurait tout un sujet à faire, et il y aurait moyen d'en parler pendant des heures, de la place des sorcières dans la culture, et particulièrement dans la culture métal. Voilà, donc le thème est fascinant. Toi, je sais que t'es un petit peu alerte sur ce sujet-là, en plus. Ouais, et puis... C'est abordé encore d'une manière différente historiquement, puis il y a forcément plein de parallèles qui sont faits avec le contemporain. Oui, ah ouais, complètement. Et puis bah voilà, après, que dire, musicalement c'est du génie absolu. Enfin, là, cet album pour moi il revient dans le haut de la pile de ce qu'ils ont fait et s'affranchir de l'aspect nostalgique purement des premiers albums, c'est quelque chose pour moi. Mais ouais, non, l'album, il est incroyable. C'est dramatique, épique. T'as ce côté mélodique très, très sombre qui arrive. Puis voilà, c'est très nostalgique dans ce qu'il propose. Il y a vraiment quelque chose de saisissant et d'assez fataliste dans ce qu'il propose là, dans cet album. Tu sens que c'est... Ça plombe. Ouais, c'est ça. Mais tu sens que la fin, elle peut pas être belle dans ce qui est proposé. Et à côté de ça, t'as... toujours cette petite démarche, cette petite vibe que Insomnium insuffle dans sa musique, qui va frôler ce qu'il peut se faire, tu sais, dans l'atmo, dans le black atmo, ou dans des trucs comme ça, avec cet aspect vraiment très sombre, très... Glacial. Glacial, qui, ouais, voilà. Et bah, c'est ce qui fait, je pense, que Insomnium est un des groupes de mélodès qui me parle le plus, parce qu'il y a cette frontière avec le black metal. Oui, une esthétique assez black metal dans le fond, ça navigue entre deux. Ouais, et puis voilà, quoi, 25 ans de carrière, et derrière, c'est toujours aussi... riche musicalement, avec un travail qui est complètement admirable. Donc, gros coup de cœur, sans surprise. Allez découvrir ce nouvel effort de Insomnium, allez découvrir l'ensemble de la discographie d'Insomnium, c'est le message caché dans ce focus. Du coup, je te laisse dire un mot sur le titre de Insomnium qu'on va s'écouter pour clôturer ce focus. Ouais, j'ai choisi God Forsaken, c'est un morceau qui est accompagné d'une chanteuse, et c'est le morceau qui pour moi est ressorti immédiatement de l'album. Ça m'a arraché une larme à la première écoute tellement il est puissant, donc voilà. Moi, c'est quoi le nom de l'album ? Arrête ! Allez, Anno 1696, déjà dispo chez Century Media, et c'est signé Insomnium. Voilà, donc on clôture le chapitre de ce soir autour de Insomnium. Vous l'aurez bien compris, un album à se procurer et surtout à s'écouter. Retour à la suite de la diff avec la doublette suivante, Love Bites et Anteos. Love Bites, tout d'abord, un groupe de Heavy Power qui nous vient de Tokyo, au Japon. Une formation 100% féminine, voilà, un quintet composé de musiciennes uniquement. On est sur du power à la sauce des old school Blind Guardian, Rhapsody, etc. Ça poutre méchamment, techniquement. C'est intéressant sans être trop démonstratif, et vocalement, c'est hyper efficace. Judgment Days, c'est le nom de ce quatrième effort studio signé Love Bites. On enchaîne ensuite avec Anteos, qui est en train de quadriller l'Europe actuellement en compagnie de Benighted, Psychroptic pardon, et Arcspire. Une tournée plutôt glorieuse. Un groupe de tech death un peu prog qui nous vient des US. Un duo de base composé par le batteur de Animal as Leader et plus ou moins passé actuellement chez Job for a Cowboy, comme le groupe est revenu aux affaires. Et une chanteuse guitariste qui a un chant que l'on peut rapprocher de Travis Ryan de Cattle Decapitation. Voilà, puis quelques autres icos de session. Ça cogne bien comme il faut, Anteos, c'est très bien inspiré. On s'écoutera le titre Darkest Days enchaîné à Clarity in Waves, extrait de l'album Tile We Takes All, une sortie Metal Blade. Et juste avant ça, Love Bites avec le morceau Judgment Day, extrait de l'album du même nom. never get to your feet.